m'appelle pas frère. Si à chaque problème tu peux rien faire, je représente les Algériens qui taillent du bled pour l'Europe par n'importe quel moyen. Respect à tous nos doyens, nique l'État et tous les loujats, parce qu'ici on leur doit rien. Notre quotidien, c'est bipi, crava, clicli, trouver des yanklis tout en évitant mes rogis. Trop de mesquines rôdent autour de nos ruelles. Trop de skins autour de nous mangent des séquelles. J'pisse de l'acide sur de la zig de Patrick Bruel. On sort les pointures, on fait les transacts de Paname jusqu'à Bruxelles. Les condés font que du zèle, les suscrafs font toutes les belles. Truand de la galère, c'est un bordel. Le son du terre-terre, écouté par tous les rebelles. Maman Marseille, numéro 1, Ray. Mon pays, je viens représenter. De Marnia jusqu'à Alger, de Djebala jusqu'à Tanger. Morsaï, CRF et Dounia, attention danger. Écoute ce son 100% âgé. La galère, je l'ai goûté. J'ai voyagé quand mes sons d'arrêt. Aujourd'hui, Hamdoullah, mon groupe truand de la galère a tout baisé. De Paname jusqu'à baiser. C'est le son du terre-terre qui va niquer ta mère. H24 sont en galère. C'est le son du terre-terre. Pour mes sœurs qui se préservent. Par la gêne qui gère. Trouant de la galère des terres. C'est le son du terre-terre qui va niquer ta mère. Représente pour tous mes frères. H24 sont en galère. Galère.